Jean Giono, Le poids du ciel. Chapitre 1er, Danse des âmes modernes. Me voilà revenu dans l'abri silencieux et pur des montagnes. Le clapotement des temps modernes est de l'autre côté de 100 milliards de tonnes de glaciers, de granit, de torrents. Une vertigineuse barrière d'aiguilles froides déchire le ciel de ce côté. Ici, je suis chez moi. Nous sommes chez nous, ne faisant pas de différence entre seulement moi et enfin l'homme. Tout est à notre taille. Il n'y a pas de grandeur que je ne puisse égaler. La solitude me permet de connaître le grondement énorme de ma vie. Voir est un délice, entendre un étonnement voluptueux, vivre une qualité. J'ai connu des peaux qui étaient tout le temps dans des baignoires. Et au-dessus de la baignoire, il y avait une tablette de verre ou de marbre ou de pierre très précieuse qu'on pouvait rendre parfaitement nette d'un petit coup d'éponge, avec, là-dessus, des pierres ponces, des savons, des laits en bouteille, des alcools, des couleurs fraîches pour les ongles, pour les yeux, pour les lèvres, des rasoirs, des pâtes à épiler, des étrilles à beauté, des outils complets de propreté corporelle. Et tout ça servait d'une façon qu'il fallait vraiment voir au moins une fois dans sa vie, pendant de longues heures, avec un scrupule dont il semblait que devait dépendre l'ordre de l'univers entier. Où voulez-vous en venir ? À ceci. Je cherche le cuveau où vous lavez aussi votre âme. Car j'imagine que vous n'allez pas trimballer cette ordure dans ce vase d'or, vous qui avez tant d'appétit de propreté. Votre corps est comme de l'ambre, et je vois sur vos hanches frémir des reflets pareils à ceux de la soie. Mais votre corps, il ne compose rien. Sinon une infinité de corps, séparés les uns des autres, pauvrement solitaires malgré toute leur beauté, seuls dans la vie, seuls dans l'amour, dans la douleur, dans la joie, dans la mort. Il ne compose rien dans le temps. Il ne vous sert même pas. Vous empêche-t-il de désespérer? Vous délivre-t-il de l'esclavage? Je parle de ce corps moderne. Je sais très bien quel magnifique usage on peut faire du corps. Ce n'est pas à moi que vous allez l'apprendre. Je parle de votre écorce d'or. Non, elle ne peut pas vous servir à grand-chose. Elle a des frontières trop serrées contre elle. Elle peut lancer son point d'or à 50 centimètres en avant, en allonge utile et avec une force de temps de kilo limite. De quoi assommer un homme, mais certainement pas de quoi assommer un bœuf. Elle peut soulever son poids d'or à 1,40 m au-dessus de terre et peut-être 3,50 m avec une perche. Elle peut porter 70 kilos sur ses épaules d'or, marcher le long de 60 kilomètres du lever au coucher du soleil. Et, bien entendu, pour ces écorces qui se sont soigneusement cultivées dans les stades, toutes ces limites sont dérisoires. Elles rayonnent corporellement plus loin. C'est loin que ça? Non. Elles approchent centimètre à centimètre de la frontière de fer qu'elles ne pourront pas dépasser. Demain, le javelot et le disque frapperont sur les distances infranchissables. Et après? Car d'un autre côté, le gouffre imaginaire de l'amour simplement physique est, si j'ose dire, et je l'ose, un cul-de-sac. Et pourtant, vous ne vous trompez pas. Ce corps que vous faites tremper plusieurs heures par jour dans des baignoires, vous avez raison, il est magique. Vous l'avez instinctivement compris, maintenant que vous avez une soif terrible d'espoir et qu'autour de vous le désert volette lourdement avec ses grandes ailes de sable. Il est magique, et quelle merveille c'est, et que de richesses inouïes il contient. Mais chaque fois que vous découvrez quelque chose, c'est par le mauvais bout. C'était Le poids du ciel de Jean Giono, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.